Sur le podcast, vous avez déjà vécu des morts. La mort tragique de quelques bactéries, d'un roi lion dictateur, d'animaux divers et variés, d'humains qui perdent leur âme de 21 grammes. Enfin, en fait, non. Mais on ne s'est jamais préoccupé de trouver le coupable. Ce soir, enfin, on reçoit un expert qui va nous expliquer comment traquer les moindres indices sur une scène du crime. Un vrai. En vrai, un expert au sens des sciences forensiques. Nous sommes le 19 mai 2015, vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 219. Bonsoir et bienvenue. Salut à tous. Donc autour de notre table ce soir, à Lausanne, vous l'aurez entendu, le seul, le vrai, l'unique, le dictateur retraité Alan. Salut Alan. C'était écrit le beau dictateur. Ah mince, j'ai mal lu, je suis désolé. À Strasbourg, dans les studios de l'excellent professeur Mu, Mika. Salut Mika. Salut. À Nice, nous avons notre Julie nationale. Salut. Et last but not least, à Paris, Robin et moi-même pour assurer tout le reste de l'émission, quoi. Les piliers, on peut dire les piliers. Les piliers, c'est ça, je cherchais le terme. Les guignols. Donc, au sommaire de l'émission de ce soir, c'est une émission de type dossier avec donc les sciences de CSI. Et on vous définira ce que ça veut dire, sinon Robin va râler tout à l'heure avec Mika. Les questions, si vous en avez dans la chatroom, une côte, et puis ce sera tout. Merveilleux, tu nous présentes Mika en deux mots, dictatup. C'est moi qui présente Mika? Comment ça? C'est toi le dictateur. Non, moi je présente personne, moi je faisais l'intro. Eh ben bravo. Non, Mika, c'est un de nos auditeurs, un de nos auditeurs fidèles qui nous écoute depuis un bon moment, qui avait probablement râlé, je ne me rappelle plus hein, de la genèse exacte de l'histoire, mais je suppose que c'était comme d'habitude, il a râlé parce qu'on n'a jamais rien fait sur les sciences forensiques. J'ai répondu « si t'es si malin, demain, 16h, etc. » Et puis, conclusion, ben voilà, il se retrouve derrière un micro en direct de Strasbourg et puis il va nous raconter tout ça. Parce que Mika, je crois que tu as fait quelques études dans le domaine, c'est ça? C'est ça, ouais. Mon master. Bon. Merveilleux. On t'écoute, la parole est à toi. Ok. Donc, on m'entend bien, là, déjà? Ça siffle un petit peu quand tu parles, mais on t'entend, ouais. Ok. Ça. Bon, déjà, pour Robin, on va dire ce que c'est CSI, ça veut dire Crime Scene Investigation, donc enquête de scène de crime, tout court. Donc, on va commencer tout de suite, si c'est bien suivi. Voilà, donc, tout le monde a au moins déjà vu, sauf Robin, un épisode de CSI, donc les experts en français. Donc c'est toujours la même histoire, il y a un lieutenant, un patron du labo, des inspecteurs, qui sont à la fois les analystes et les préleveurs, et un ou une génie de l'analyse devant un appareil qui sait tout faire. Eh bien, vous y attendez, tout est faux ou une grosse partie. Bon, je casse peut-être un mythe, mais c'est comme ça. Donc pour qui, ceux pour qui The Show Must Go On et qui veulent garder l'illusion intacte, il faut pas écouter. Donc là, en gros, le plan, ce sera un petit récap de l'histoire de la criminalistique et un descriptif de la police scientifique. Et puis, on attaquera le vif du sujet avec les traces et une petite enquête. Donc, pour l'historique, qui est surtout valable pour la France, et il faut aussi penser à un parallèle qu'il y a toutes les découvertes scientifiques en même temps, avec l'ADN et tout. Les premières traces d'empreintes, ce sont celles des hommes préhistoriques qu'on retrouve avec des peintures rupestres. Et après, il faut attendre 247 après Jésus-Christ en Chine, puis au Japon, où les empereurs commencent à utiliser leur empreinte digitale pour signer des documents, donc avec l'argile, puis avec l'encre. Et les artistes, ils signent leurs œuvres aussi avec ça. Donc, ils pressentaient déjà que c'était un moyen d'authentifier et de prévenir les abus d'identité. Il y avait plusieurs poètes comme Pia Kung Yen et Yuashi, je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut le prononcer, qui faisaient des impressions d'empreintes digitales. Donc, pour décrire une empreinte digitale, quoi, c'est la peau du doigt qui comporte des fossés qu'on appelle des sillons ou des crêtes. Et la fonction de base, en fait, c'est pour l'appréhension, pour accrocher tous les objets qu'on saisit. Donc après, il faut attendre pas mal de temps jusqu'au XVIIe siècle pour avoir une science de l'observation avec Marcello Malpighi, qui lui est célèbre pour beaucoup de choses et qui décrit la muqueuse de la peau. Donc, et en 1686, lui, il se dit que si on laisse des traces avec nos doigts, c'est des traces qui suivent les crêtes. C'est qu'on doit avoir des glandes qui font de la sueur, en fait, au bout des crêtes. Donc, en gros, on sue et on excrète du gras par les crêtes, et c'est comme ça qu'on laisse nos traces, nos empreintes digitales, donc c'est bien dégueu. Et qu'on salit aussi nos smartphones. Donc, si vous regardez vos mains, maintenant, là, vous verrez tous briller des micro-gouttes, ou juste des crêtes qui brillent, quoi. Puis, donc, le vide complet jusqu'au 19e siècle, où en 1823, il y a Johann Purkinje, lui aussi connu dans le domaine de la médecine. C'était un médecin tchèque qui a décrit les cellules, certaines cellules, qui sont les cellules de Purkinje, les gros neurones, en fait, qui va nous pondre une thèse sur la description et la classification des empreintes digitales. Et là, du coup, ça lance toute la machine. Donc, on va plutôt dire un roman fleuve, parce qu'il y a tout un tas de trahisons et de faits centrés sur trois personnages principaux. Donc, en 1858, il y a l'administrateur britannique du Bengale, Sir William Herschel, qui est le fils des astronomes Herschel, qui met en place un système de relevé des populations locales, donc carcérales, et des administrés, car lui, il est convaincu que les empreintes digitales, elles sont identifiables et individuelles. Donc, il va lancer la passion d'un autre médecin, qui est écossais, Henry Fowles, qui est né d'une famille très aisée, mais qui est ruinée. Et ce petit détail est assez important pour la suite. Qui officie en Inde, puis au Japon en 1873. Donc, il avait alors remarqué ces drôles de signatures ressemblant à ses propres empreintes sur des poteries dans des fouilles archéologiques, les mêmes que je citais au début. Donc, il va alors, comme Herschel, commencer une collection d'empreintes digitales qui vont bien lui servir, parce que dans son cabinet médical, il va s'apercevoir que sa réserve d'alcool, en fait, médicale va diminuer, et elle diminue bien trop vite, et qu'il y a des traces évidentes qui sont laissées sur les pots de verre. Donc, il va les confronter à sa collection et il va identifier un de ses assistants, qui était donc le voleur. Et là, du coup, paf, l'idée lui vient que cette technique peut être utile à l'identification judiciaire. Il essaie même de s'effacer les empreintes avec de la pierre ponce et il se rend compte qu'elle repousse à l'identique. Comme c'est un fan de Darwin, il va lui demander de l'aide, mais Darwin va décliner son aide, sa demande, car il est trop vieux pour travailler sur un tel sujet et il lui répond qu'il confie la chose à son cousin, Francis Galton, un anthropologue. Donc, sans réponse, Fowles va publier dans Nature entre 1879 et 1880, et il suggère alors que les empreintes sont utilisables sur les lieux de crime pour l'identification scientifique des criminels. Donc, Herschel crie au plagiat et revendique les mêmes découvertes. Ensuite, entre en jeu un arbitre, Francis Galton, le fameux cousin de Darwin, qui est issu d'une famille très aisée et qui est déjà au courant des travaux de Fowles. Sauf que lui, pour revenir sur la petite affaire d'être ruiné ou riche, il est convaincu que du darwinisme social, donc de la supériorité physique et intellectuelle des classes riches, donc les races élues pour lui. Donc vous en doutez, il méprise ceux qui ne se vantent pas d'avoir une famille aisée comme Fowles, et il recherche un éventuel signe d'identification héréditaire de ce darwinisme social. Il va alors rencontrer Herschel, qui est vieux et à la retraite en Inde, et celui-ci va lui refiler sa passion pour les empreintes digitales, lui exposer son pédigré et lui donner sa collection, et il a enfin trouvé ce signe particulier. En 1888, Galton donne une conférence pour affirmer les mêmes choses sur l'identification que Fowles, mais au nom d'Herschel, auquel il attribue tous les articles de Fowles dans Nature. Galton récupère tous les lauriers pour le système complet de classification et sous-classification des dessins digitaux dans son livre « Empreintes digitales ». Donc il nous sort alors des théories comme la théorie de la « typical criminal face », le visage typique du criminel, qui s'appuie sur les mesures du crâne et démontre, entre guillemets, l'anatomie plus arriérée des criminels. Pour terminer avec cette digression, Herschel meurt en 1917, en prenant pour la énième fois ses empreintes, et Fowles en 1930, toujours pauvre et amer par manque de reconnaissance de sa communauté. Et c'est à titre posthume qu'il recevra une subvention et une reconnaissance du gouvernement pour ses travaux pionniers. Donc en 1891, il y a Ivan Vucetic, puis pardon, je dois t'interrompre là, mais c'est 1891. C'est 91. Ouais, comme 51, 61, 71, 80. D'accord. Ok, donc 1891. Tu t'en es très bien sorti jusque-là, je suis très... Merci. Donc il y a Ivan Vucetic, puis il s'appellera Ivan Juan, qui était fonctionnaire de la police austro-hongroise, qui était naturalisé argentin à Buenos Aires, qui élabore à partir de la méthode de Galton un procédé simple de classement des empreintes et des dessins, tout cela dans le but d'établir des points de coïncidence sûrs les fameux matchs qu'on entend dans les experts, là, tous les petits points qui s'affichent. Et ce système d'identification, il est adopté en Argentine en 1894. Donc, loin de tout ce tumulte entre les sujets de la reine Victoria, des Anglais, il y a un certain Alphonse Bertillon, qui est le père de l'anthropométrie à la Galton en France, faire un système encore plus poussé avec pieds à coulisses, les compas de proportion, tous les enregistrements des crânes, là, qui est à l'origine du bertillonnage. C'est du coup la mesure complète et fastidieuse de tout le corps, dans toutes ses proportions. Donc la technique a eu du bon sur certaines affaires criminelles et elle a été utilisée en France de 1883 à 1970. Et lui, il va rester intimement persuadé de la supériorité de sa méthode. Et il va être réticent à l'ajout des empreintes digitales sur les fiches signalétiques. Donc pour cela, il va mépriser tous ses teachs. Et en 1894, c'est qui est aussi la date à laquelle Bertillon va être obligé d'intégrer le relevé d'empreintes digitales à ses fiches sous la pression de ses supérieurs avec l'aide de Vucetic à la police de Paris entre 1902 et 1913, où ils vont cordialement et publiquement montrer leur mépris. À l'époque, on relevait les quatre doigts de la main droite et ça va tâtonner jusque là. Et d'où l'importance des points de coïncidence que je décrivais, les fameux matchs. Entre-temps, jusqu'à 1902, on va rajouter les empreintes de l'index gauche. Donc du coup, 1902, le 24 octobre, Bertillon va utiliser le premier la technique dactyloscopique pour empreintes digitales pour relever les 10 doigts pour confondre Henri Léon Schaeffer, un assassin d'un domestique au cours d'un cambriolage. Bon, l'affaire présentée comme la première identification au monde par les seules empreintes digitales d'un assassin, c'est un mythe, parce que ce mythe de la police criminelle est remis en question par le fait que l'enquête de proximité, à l'époque, elle avait mis en lumière une relation homosexuelle entre Schaeffer et le meurtrier déguisant une simple affaire de jalousie qui a mal tourné en cambriolage. Il a tout déguisé en cambriolage. Donc Bertillon avait juste été orienté par cette enquête vers le coupable et non par les empreintes. Ensuite, la fiche signalétique, celle des 10 doigts, qui est décadactylaire, donc pour 10 doigts, est effective en 1904. En 1903, on va revenir en arrière, Edmond Locard, lui alors, était avocat, médecin légiste, scientifique, expert en peinture et art, il parlait 11 langues, il se fait connaître pour son appui à la technique des relevés décadactylaires, des 10 doigts. Donc il va pousser Bertillon à réaliser des fiches anthropométriques et décadactylaires pour les femmes et les enfants. En 1905, au Royaume-Uni, l'affaire des frères Stratton éclate. Donc, en gros, c'est une empreinte grasse a été retrouvée sur une cash box, donc une caisse, d'un marchand malheureusement mort et dépouillé. Donc, c'est un double meurtre parce qu'ils ont aussi tué sa femme. Ils vont recouper les témoignages et les empreintes et ça va les amener aux frères Stratton. Et ces frères Stratton vont atterrir au tribunal, même si les empreintes ne correspondaient qu'à l'un d'entre eux. Donc à la suite d'un gros cafouillage d'expertise, l'expert de l'accusation étant un flic doué en relevé, celui de la défense, son professeur discréditant son propre domaine d'expertise et se vendant au plus offrant de la défense et de l'accusation, et au final les deux frères sont condamnés à mort, alors qu'il n'y avait qu'un seul des frères qui aurait dû être condamné. Donc ça prouve que l'empreinte digitale n'a pas encore assez de poids à l'époque. En 1907, il y a un nouveau bond en avant en France, c'est une commission de l'Académie des sciences qui conclut que la valeur signalétique des empreintes digitales est au moins égale à celle de tout autre de l'ensemble de caractères physiques. En gros, tout caractère physique est égal aux empreintes digitales ou l'inverse, et du coup elles peuvent être rentrées dans l'enquête. Donc voilà, elles sont élevées au rang de preuve. En 1910, Edmond Locard, à nouveau, il va fonder le premier labo de police scientifique avec son propre argent à Lyon et Écully. Il va obtenir une première condamnation par la cour d'assises du Rhône, sous seule preuve des empreintes dactyloscopiques, les empreintes digitales. Et il va écrire de 1931 à 1940 le traité de criminalistique en 7 volumes, qui va couvrir tout, des traces papillaires aux traces de sang, les tatouages, les traces de pas, tout, jusqu'à la profession d'expert, et qui est encore de nos jours une référence dans le domaine. Donc en 1927 va suivre la création des laboratoires de police technique et scientifique à Marseille, puis à Lille en 1932 et Toulouse en 1938. Donc la loi du 27 novembre 1943, elle va unifier ces quatre laboratoires, parce qu'il faut savoir que c'était encore des instituts séparés, et cette loi va instituer un seul service de police technique qui va relever de la Direction Générale de la Police Nationale, qui est chargé de rechercher et d'utiliser les méthodes scientifiques propres à l'identification des délinquants. Donc cette loi va préciser que le service comporte des services régionaux et locaux qui sont chargés de rechercher et de relever les traces et les indices. Elle va inclure les quatre laboratoires chargés de procéder aux recherches et aux analyses et un organisme central chargé de diriger et contrôler l'activité des services locaux et régionaux qui va centraliser et classer les fiches, assurer la coordination des laboratoires. Cette loi sera finalement abrogée par la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, créant l'Institut National de Police Scientifique, l'INPS. Ensuite, le fichier automatisé des empreintes digitales est créé en 1985 par le ministre de l'Intérieur. Il est opérationnel en 1992 et alimenté par tous les systèmes de police et de gendarmerie. Et il évolue jusqu'à 2009, année à laquelle les empreintes palmaires, les paumes de la main, sont dorénavant ajoutées. Les plantes de pied sont inscrites à valeur d'indice, mais elles sont pas office de preuve irréfutable. Donc, en gros, les laboratoires de police scientifique s'organisent en bref comme ceci. Donc, les ASPTS, ce sont des agents spécialisés de police technique et scientifique, ce sont les préleveurs qui vont intervenir sur le terrain. Ils sont formés pour cela et ils ne font que ça. Donc, ils photographient, ils prennent les échelles pour faire des croquis et des plans. Ils ne réalisent aucune analyse, ils ne font que les relever. Un agent de la police ou un gendarme peut être un ASPTS s'il est formé en plus de sa fonction. Ensuite, il y a les techniciens qui sont, eux, dans les laboratoires et qui sont spécialisés dans leur domaine d'analyse. Ils vont réaliser les analyses et éditer des résultats. Les ingénieurs qui encadrent les techniciens et développent les méthodes. Les experts qui sont les directeurs des ingénieurs et qui dirigent des équipes. Et après, comme le reste, comme toute administration française, il y a un directeur général et beaucoup trop d'acronymes pour les citer. Juste une question du coup, là, comme tu as décrit les différents labos, etc. qui existent. Là, tu as parlé surtout de police scientifique. Il y a de la gendarmerie aussi ? Oui, la gendarmerie, en fait. Et ils ont aussi des labos séparés, mais normalement, ils ont des labos en régional et un seul gros du côté de Paris. D'accord. Je ne sais plus trop quelle ville, mais... C'est des équipes qui travaillent séparément et comment ça se répartit sur les uns ou sur les autres ? C'est le ministère de l'Intérieur qui gère, en fait, et... Après, la police en fait s'occupe surtout des affaires en ville et la gendarmerie s'occupe de tout ce qui est hors ville. Je sais pas si c'est clair. Si si, d'accord. Ok. Et au niveau moyen, c'est grosso modo la même chose. Par contre, ils ont moyens techniques et humains. Je pense oui. D'accord. Même si après, la plupart des affaires sont regroupées à Lyon. Ok. Au grand laboratoire de police en fait. Mais après, je peux me tromper. Ça fait un moment que je me suis pas renseigné là-dessus. Voilà, donc on va retourner à... Maintenant qu'on est arrivé à la naissance des sciences forensiques, là, bien sûr, tout le monde imagine, pour ceux qui connaissent Greg des experts ou Abby d'un NCIS, devant des petites centrifugeuses ou un appareil qui est en fait une chromatographie gazeuse qui sait tout faire. Eh ben non, du coup, la centrifugation à l'eau, elle ne donnera pas grand-chose et une GC ne donnera pas grand-chose non plus, du moins pas ce que peut débiter Abby dans ses monolithes. Donc il existe autant de méthodes d'analyse qu'il n'y a de traces, mais tout d'abord on va juste parler d'un principe qui peut sembler banal, c'est le principe d'échange de Locard. Donc ce principe il stipule que lorsque deux corps entrent en contact l'un avec l'autre, il y a nécessairement un transfert entre ceux-ci. Donc en d'autres termes, lorsqu'un acte criminel se produit, l'individu responsable laisse des traces de sa présence et emporte avec lui des traces du lieu où il se trouvait et de la victime s'il y a. Donc c'est la triple interaction milieu criminel victime. La preuve, elle démontre et établit la vérité d'un fait. L'indice, il tend à démontrer un fait sans pour autant le prouver. Et la trace, c'est une suite d'empreintes et de marques que laisse un individu, mais aussi un objet. Ça peut être un objet. Donc l'indice et la trace sont importants. Il y a des causes d'altération. C'est pour cela qu'on a des méthodes de prélèvement qui sont adaptées. Donc la chose primordiale, c'est que chez les fraudes ou en plus scientifiques, il faut une bonne base de données pour permettre des recoupements directs avec des photos ou des empreintes, mais aussi des comparaisons de composition de mélange ou de composition de terre, par exemple, pour des régions la région de provenance. C'est aussi valable pour des épices, pour les origines contrôlées et les terres, comme on voit dans les séries, mais dans les séries, ça peut être trop poussé. Donc, on va attaquer avec une petite histoire maintenant pour un peu imaginer la chose. Donc, imaginez un corps qui montre de multiples blessures, comme Monsieur Ratchett dans Le Crime de l'Orient Express, donc qui a beaucoup de blessures à l'arme blanche et aussi une blessure par balle. Donc s'il y a eu blessure par arme blanche, il y a peut-être sûrement eu rapprochement avec combat. Donc, et que vont faire les enquêteurs? Ben, ils vont pas faire grand chose. Ils vont constater la mort et accueillir les secours. Et puis, ils vont préserver la scène en attendant les agents de la police technique et scientifique, qui sont en général deux, mais ils peuvent être seuls ou plus de deux, selon la grandeur de la scène. Donc, la première chose que ces derniers vont faire, c'est s'habiller d'une combinaison complète, donc des pieds à la tête. Et rien ne doit se transférer de leur corps et de leurs vêtements vers la scène. Pas comme dans les séries où ils sont les cheveux libres, surtout les femmes dans ces séries, elles ont les cheveux pas attachés et tout vole. Donc là, c'est pas du tout le cas, il faut qu'ils soient recouverts d'une combinaison blanche ou bleue. Donc ils vont, et puis après, ils vont établir un plan complet de la pièce, avec des règles, des mètres, et ils vont faire des schémas pour situer le corps et tous les objets. Donc, vu qu'on parle depuis le début des empreintes, c'est les premières traces qui vont être relevées. Donc, en gros, une empreinte, c'est il y a une chance sur 64 milliards d'avoir la même empreinte qu'une autre personne. Et là encore, c'est le calcul, il a été ultra simplifié, donc il peut être encore plus poussé, et du coup, il y a encore plus qu'une chance sur 60 milliards d'avoir les mêmes empreintes qu'une autre personne. En dehors des jumeaux, non? Ou même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes? Ah ben ça, j'ai déjà eu, on a eu des études de cas où il peut y avoir des petites modifications. D'accord. Donc, pour les relever, ils vont pouvoir utiliser toutes sortes de révélateurs. Donc, comme dans les séries, là, par contre, on va avoir une poudre noire qui est très sensible à la sueur, qui laisse nos empreintes, donc elle va être utilisée sur des surfaces claires. Il y a la même chose en version poudre blanche, et il y a tout un tas d'autres poudres qui peuvent être rose fluo ou vert fluo. En laboratoire, après, on peut aussi, pour des surfaces comme du plastique souple ou du verre, on va pouvoir mettre ceci dans des cages, en fait. On va faire évaporer du cyanoacrylate ou plus simplement de la colle ultra forte, de la colle glue qu'on fait chauffer. Et en s'évaporant, en fait, les molécules qui vont être formées vont aller juste se fixer sur les empreintes. Et après, on pourra juste relever cette colle avec les mêmes poudres. Donc là, je sais pas si on pourra mettre des images après dans le dossier. Donc c'est une description à peu près de tout ce qu'on peut trouver dans nos empreintes. Donc là, à l'oral, je sais pas si ça va bien sortir. C'est surtout des traits, des points, des croisements, des sillons, tout ça. On les mettra dans le dossier. Puis pour le moment, elles sont dans la chatroom déjà. Ok, d'accord. Moi, un truc qui m'a toujours intrigué là sur ces empreintes, c'est sur les mains abîmées en fait. J'ai l'impression qu'on arrive quand même à voir pas trop mal les empreintes. Je me trompe? Je sais pas, abîmé par une blessure ou des choses comme ça, quoi. Ben, la blessure, du coup, on va la voir. Mais il y a, comme en fait, on relève, je crois avant c'était 4 points, maintenant il y a une douzaine de points qui est relevé. Il y aura toujours des points significatifs qui seront relevés. Tu sais, les fameux matchs, les points qu'ils orientent là, dans les séries. Ouais, d'accord. Donc il y aura toujours quelque chose à relever. Ok. Je sais pas si je me suis bien expliqué du coup, là-dessus. Si, si, à peu près, ouais. Ouais, et pour donner une idée à ceux qui n'ont pas les images tant qu'on y est là, bon, on va pas vous décrire les petites formes, mais par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'elles ont toutes des noms pas si techniques que ça. Il y a des îlots, il y a des intersections, il y a des bifurcations simples et multiples, il y a des ponts, il y a des crochets. Hein, c'est un... Il y a un lac. Il y a un lac. Il y a un lac, ouais. Et un pont. Donc votre main est un paysage. C'est beau. Ça, c'était pour les... Et encore, ça, c'est... Tu cites juste les petites minuties, enfin, les petites empreintes qu'on peut avoir tout autour d'une grande forme centrale. Et là, du coup, on a des boucles, des arcs, des teintes. D'ailleurs, on voit très mal sur l'image, c'est mal écrit, mais on a une croix à trois branches qui est une teinte pure et entourée de d'autres sillons. On peut avoir des ronds concentriques, des ovales, des S. Il y en a vraiment des empreintes composites où là, le dessin, c'est une petite fleur, mais ça existe. Donc ça, c'est ce qu'on trouve au centre. Donc, et ça, en général, c'est si vous regardez votre pouce, vous voyez une grosse forme centrale. Donc, ça peut être juste une boucle ou des boucles multiples. Et puis, d'un côté ou d'un autre, vous verrez certainement un arc ou une teinte pure. Ça délimite une boucle. Donc, voilà, à peu près, en gros, ce qu'on peut retrouver sur les empreintes. Après, souvenez-vous, il y a une blessure par balle, donc, du coup, sur le corps. Donc, on va observer des traces noires sur la blessure. Donc, en général, ce sont des résidus de tir qui sont constitués de métaux lourds. Et principalement de résidus organiques, donc résidus organiques, c'est-à-dire carbone, azote et nitrate ou dioxyde d'azote. Donc ça, ce sont des résidus de poudre, de lubrifiant, de fumée provenant de la douille, de la balle et du canon. Donc plus les traces qu'elles laissent sont concentriques, est peu diffuse et plus le tir était à bout portant, donc la bouche du canon était presque touchée en fait, et plus elles sont éloignées et diffuses et évasées en fait, et plus la bouche du canon était loin. Et comme là on observe des brûlures et que les traces sont très noires, c'est que la bouche du canon était donc proche, vu que la bouche du canon aussi est chaude. Donc le meurtrier a certainement brûlé la victime en tirant. Donc on va retrouver aussi la balle. Cette balle, elle va partir en observation microscopique. C'est une observation à la binoculaire, juste sans vraiment un fort grossissement, pour juste comparer les traces du canon. On retrouve aussi une arme à feu sur la scène. On va comparer son calibre à celui de la balle, ça correspond. On va tester cette même arme et tirer avec. Et là, du coup, on va, comme dans les séries, on peut tirer dans un tunnel d'eau ou une piscine de boules. Mais ce qui est le moins cher, en fait, et ce qui est utilisé souvent en France, c'est juste un gros tas d'annuaires, mais vraiment un très gros tas d'annuaires devant un mur. On va tirer dedans et on va juste retrouver la balle en fouillant dans les annuaires qui sont tout abîmés. Et cette balle, on va la comparer du coup à la balle qu'on a retrouvée dans le corps. Et si les traces correspondent, les traces du canon, qui sont surtout des rayures et tout ça, du coup, si ça correspond, ben, c'était bien cette arme-là qui a été utilisée. Et question technique, du coup, vous vous fournissez comment en annuaire? Ça, je sais pas trop. On va aller chercher chez nous, chez les gens, chez, je sais pas. Du coup, là, avec la fin des cabines téléphoniques et tout, c'est un peu le drame, quoi. Un peu, mais je suis sûr qu'on va trouver des gros tas de feuilles. Mais c'est assez surprenant comme juste des annuaires, ça stoppe une balle, quoi. Bon, il faut une vingtaine d'annuaires, hein, mais ça stoppe la balle. Donc du coup, on peut s'habiller d'annuaires si on n'a pas de gilet pare-balles, ce que tu es en train de nous dire. Ouais, mais si tu veux mettre une vingtaine d'annuaires sur toi, si tu peux les supporter, oui. Ah, il faut 20 annuaires d'épaisseur, ouais, d'accord, j'avais pas compris. Enfin, ou même plus, ça dépend de la pénétration de la balle, mais ouais, c'est vraiment des très gros tas d'annuaires. C'est pas juste deux ou trois. Je crois qu'on visualise. Ouais. On voit tous les gros annuaires et les pages jaunes. Si, il y a toujours les pages jaunes qui sont éditées. Donc, on va reprendre maintenant avec les blessures par arme blanche et du coup, les traces de projection de sang. Oui, parce que du coup, c'est bien dégueu, des fois. Hein. Donc, on va les étudier comme on étudie des fluides, donc avec la viscosité et les expériences. Et là, je ne sais pas si vous connaissez la série Dexter, mais c'est pareil, on va assez faire mumuse. Donc, on va calculer des angles de projection, des formes de taches, selon les angles. Parce qu'il faut savoir qu'une goutte de sang qui tombe à la perpendiculaire du sol, elle va produire une tache ronde ou des projections. Si elle est projetée avec de la vitesse, ce ne sera pas rond, mais ovale ou en forme de goutte, justement. Mais pas de goutte qui tombe, mais de goutte qui est projetée dans le sens du mouvement. Et on va, du coup, chercher aussi à avoir des correspondances entre les blessures, les projections et l'angle d'entrée de l'arme. Bon là, c'est bien sûr l'angle d'entrée de l'arme, surtout après l'autopsie. Pour notre affaire, par chance, on a aussi retrouvé plusieurs couteaux sur la scène et l'un d'entre eux va matcher du coup avec la taille de la plaie, la profondeur de la plaie et la finesse des gouttelettes qui sont projetées sur le mur quand on l'utilise pour poignarder quelque chose. Donc ensuite, vu qu'il y a eu combat à l'arme blanche, ou du moins juste un petit peu de défense, il y a donc eu dispute et combat. Donc la victime, elle a peut-être été aussi droguée pour mieux la maîtriser. Et là, on va aussi analyser ses fuites biologiques à la recherche de drogues et d'autres médicaments. Et on peut aussi analyser certains liquides, comme là, on va retrouver des verres, en fait, qui contiennent encore, il y a des fonds de verre encore sur la table de la scène. Donc on peut aussi imaginer que c'est un règlement de compte, car il y a plein de bouteilles de parfum. On a imaginé la scène, le corps, les verres, et il y a plein de parfums, bouteilles de parfums bien chères qui sont sur la scène. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est les analyser pour voir s'il y a eu fraude. Et là, du coup, j'en arrive au moment où je vais vous parler des techniques d'analyse pour ce genre de choses. Donc ce sont des techniques qui ont été dérivées, miniaturisées, améliorées suivant les années. Et on va parler des chromatographies. Donc, s'il y en a qui se souviennent, au lycée, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la chromatographie, on en faisait tous, en fait, pour analyser des colorants alimentaires ou des huiles alimentaires, ou même des parfums, s'il y en a qui l'ont fait. On va soit les révéler à l'œil nu ou à la lumière noire. Ce sera soit coloré, soit il suffit de passer une lumière UV, là, une lumière noire qu'on va trouver en boîte de nuit pour aller voir. Donc, sur la plaque, C'est une couche mince, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une plaque blanche. C'est ce blanc, en fait, c'est de la silice, c'est-à-dire la même chose que le verre, mais pas sous la même forme, sur laquelle on peut greffer certaines molécules qui vont servir de frein pour aider à séparer. Il y a une phase mobile, en fait, qui est un solvant dans lequel on va faire baigner le bas de la plaque, qui va servir de tapis roulant, si on peut dire, pour faire remonter les taches sur la plaque. Donc là, c'est une méthode de séparation. Du coup, les molécules de la substance que l'on veut analyser vont se séparer, car elles vont être plus ou moins retenues par les molécules de la plaque qu'on peut identifier comme des bras qui vont les saisir et les retenir. Donc, ou alors, on peut aussi imaginer une pelouse bien épaisse. Imaginez que la plaque blanche est une pelouse qui est non tendue, donc l'herbe est haute, et on va faire couler de l'eau dedans pour que des cailloux s'y déplacent. Et en fait, cela va être long parce que les cailloux, ils vont être retenus par l'herbe. Et ils vont migrer différemment selon leur taille, leurs aspérités et leur forme. C'est-à-dire que les ronds vont rouler, les carrés ils vont avoir du mal. Et du coup, si la pelouse est tendue, ils vont rouler tout seuls et aller vite à l'autre bout du carré de pelouse. On peut changer la nature de la pelouse avec de la paille sèche et ça va être différent. Et ce qu'on appelle la pelouse ou la paille, c'est ce qu'on appelle la face stationnaire, c'est-à-dire notre silice, qui peut être greffé avec des bras plus ou moins longs. Donc on va revenir à notre analyse. Donc l'exemple simple que je peux utiliser là, c'est la séparation des taches bleues et jaunes du colorant alimentaire vert. Je sais pas si vous vous souvenez. On dépose notre tache de colorant alimentaire vert et en remontant, on va voir apparaître une tache bleue et une tache jaune. On va aussi, dans notre affaire plus précisément, on peut analyser notre parfum avec ça. Donc on dépose une petite goutte en bas de la plaque et en remontant, c'est pas forcément visible à l'œil nu, mais là du coup si on utilise une lampe à lumière noire, une lampe UV, on va voir apparaître plusieurs taches qui vont briller. Et là du coup, en comparant avec un parfum que nous on a acheté et qu'on sait que c'est la bonne marque, on va voir que les taches sont pas identiques, elles sont pas aux mêmes endroits. Et là du coup, ça sent vraiment la fraude et le trafic de produits de luxe, du coup ça prouve que les parfums sont pas les mêmes. Et pour avoir de meilleures données, on va utiliser une technique plus spécifique pour illustrer en fait la migration des colorants. J'avais mis un lien sur YouTube en fait, je sais pas si on pourrait le mettre aussi. J'avais trouvé que c'était aussi très joli à voir. On le mettra, pas de souci. Ok, d'accord. Donc pour en revenir vers les techniques qui ont été améliorées et qui sont plus poussées, il y en a deux. Alors je vais faire des gros mots peut-être pour vous. C'est la chromatographie gazeuse ou la chromatographie liquide. Donc du coup, la face stationnaire, en fait, elle est identique à celle de la plaque blanche, sauf qu'en fait, elle est insérée dans une colonne. Donc pour la GC, en fait, pour la GC, c'est la chromatographie gazeuse, elle est collée à la paroi intérieure du tube, qu'on va appeler capillaire, parce que c'est vraiment un tube très très fin, un peu plus épais qu'un cheveu, mais on peut le comparer à ça. Et pour la chromatographie liquide, en fait, ça va être des microbilles qui vont être recouvertes de silice et greffées de d'autres molécules qu'on va insérer dans un plus gros tube cette fois-ci, vu qu'il faut faire passer quand même des liquides dedans. Donc la GC, elle est par exemple utilisée pour analyser des résidus d'explosion, des explosifs ou des produits volatiles, comme un parfum. Et on peut l'utiliser aussi en cas de fraude sur des produits alimentaires comme des arômes. Mais des arômes volatiles, du coup, qu'on peut sentir avec le nez, ou des traces de pesticides, etc. Donc, la chromatographie en phase gazeuse, comment vous en doutez, c'est la phase mobile, c'est un gaz. Et tout va reposer sur les températures d'ébullition et les affinités qui sont différentes des molécules pour la phase stationnaire. Donc, la colonne, le capillaire, on va le mettre dans un four. Et les molécules, elles vont se déplacer plus ou moins rapidement dans cette colonne. Parce que tantôt elles vont être collées à la phase stationnaire et tantôt elles seront libres car elles vont s'évaporer. Et le gaz va former un tapis roulant, toujours pareil, pour les faire avancer. Et à l'autre bout de la colonne, on va retrouver le plus fréquemment un détecteur à ionisation de flamme. Désolé, encore des gros mots. Voilà, c'est un détecteur en fait où on va utiliser une flamme de dihydrogène pour brûler les composés qui vont y arriver dedans. Donc là, oui, on va détruire l'échantillon pour le coup. Et les composés carbonés, en fait, contiennent du carbone, ils vont bien brûler et produire un bon signal. Les autres, ils sont moins forts. Et par contre, on ne peut pas détecter l'eau, le CO2 et le monoxyde de carbone avec ce type de détecteur. Donc, on peut être plus précis que ça avec une autre technique de détection qui se répand de plus en plus. surtout en analyse forensique, où il faut être de plus en plus précis, c'est la spectrométrie de masse. Bon, là, je vais pas m'aventurer à tout vous expliquer profondément, mais en fait, c'est une technique qui permet d'identifier avec le poids moléculaire d'une molécule, plus ou moins exactement. Et je peux juste pousser un peu la réflexion en disant que si on veut être encore plus précis, on va en fait casser ces molécules dans notre appareil et on va analyser les fragments. Ces fragments de molécules en fait sont spécifiques de la molécule mère en fait. Imagine une grosse molécule, on la casse, ces fragments on les identifie et en fait ces fragments sont spécifiques de la grosse. Donc on va revenir à notre parfum du coup sur la scène de crime. Et là, le parfum étant par nature volatile et facilement évaporé, on va donc l'injecter dans notre GC. Et comme on l'a vu sur notre plaque, on va se rendre compte que l'échantillon censé être du parfum de la marque X, on va dire, est bien différent du vrai parfum de la marque X, car il ne contient pas les mêmes molécules, donc car ils ont migré pas à la même vitesse et pas donné la même détection. Donc là, c'est pareil, il y a des images de GC. Donc c'est pour illustrer, c'est vraiment un schéma de la colonne dans son four avec la bouteille de gaz à un bout et le détecteur à l'autre. Et il y a un petit schéma, une coupe en fait d'une colonne pour visualiser où se situe la phase stationnaire et la silice. Donc souvenez-vous, on a aussi trouvé des verres avec un fond de boisson. Ce fond de boisson, on va l'analyser mais d'une autre façon, avec la chromatographie liquide. Parce que cette technique, elle est plus adéquate pour des molécules qui sont à l'aise dans un milieu liquide, comme les arômes solubles, le sang, les drogues dans les urines. Et donc, c'est le même principe que la GC, en fait. Nos molécules, elles vont se retrouver dans une colonne qui contient plein de billes, les microbilles que je parlais auparavant. Ces billes sont poreuses et recouvertes d'une phase stationnaire pour laquelle elles auront plus ou moins d'affinité. Elles vont donc plus ou moins s'y coller. Donc, pour les faire avancer, on va appliquer un débit d'un liquide cette fois-ci, qui va lui aussi former une sorte de tapis roulant. Et tant qu'à y être, ce liquide sera un solvant que les molécules elles vont plus aimer que la phase stationnaire pour les décoller de la phase stationnaire. Donc tout comme l'acétone en fait peut diluer ou faire partir le vernis à ongles ou le wax pyrite va décrocher des taches de peinture. Il faut aussi penser que les billes sont poreuses, donc les petites molécules elles vont se faufiler dans les pores, tandis que les grosses elles vont les contourner. Donc ce joyeux bordel à la colonne, il va faire que les molécules elles vont se déplacer différemment et arriver à des temps différents au détecteur. Ce détecteur, ça peut être un détecteur ultraviolet. Donc là, on va mesurer l'absorption des UV par la molécule. Ça peut être un fluorimètre ou un spectromètre de masse à nouveau. Donc là, si on analyse nos boissons, donc en polyscientifique, on va se permettre d'avoir des spectromètres de masse. Donc le chromatogramme, c'est-à-dire le résultat d'analyse, le schéma qu'on peut voir à l'autre bout sur le petit dessin, c'est ce qu'on appelle un chromatogramme. On voit des pics en fait, c'est les molécules qu'on peut voir. Et comme résultat, on va trouver des antidépresseurs et des barbituriques. Donc c'est un joyeux cocktail en fait qui a endormi et affaibli notre victime et du coup ils ont pu la tuer tranquillement. Donc voyons maintenant ce que va nous dire son sang, parce qu'il faut quand même vérifier s'il a bien bu la potion fatale. Donc là, par contre, pour le sang, c'est une matrice beaucoup plus complexe qu'une boisson avec de l'eau ou juste quelques ingrédients. Et là, il y a la préparation de l'échantillon qui rentre en compte. Du coup, c'est aussi utilisé pour le sol et les urines. Donc on en revient à Greg ou Abby qui font une centrifugation à l'eau sur un bout de tissu ou une trace de salive ou de sperme ou de sang pour extraire, amplifier et permettre d'avoir des magnifiques spectres qu'on voit sur leurs écrans, qui sont déjà interprétés structurellement dans la composition et aussi comparés, en fait. Ben, ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, la préparation des échantillons, elle va être toujours basée sur le principe d'affinité entre le milieu d'échantillon. Là, ça va être le sang et une phase. Et là, ce qu'on veut, c'est purifier notre échantillon de sang qui est donc trop riche tout en conservant d'éventuelles molécules présentes qui sont en l'occurrence ce qu'on recherche, c'est-à-dire les barbituriques et les antidépresseurs. Donc je vais vous citer juste deux techniques qui sont assez généralistes. Donc il y a la technique de l'extraction liquide-liquide, que je vais appeler LLE, pour liquid-liquid extraction. Et en fait c'est une technique qui utilise deux liquides. Donc là pour le coup ça va être notre sang et un solvant. Donc je vais appeler le sang A et le solvant B. Donc la molécule d'intérêt elle est dans le liquide biologique, notre sang, dans A. et on va utiliser B en fait pour l'extraire, parce qu'elle va préférer B à A, puis on va récupérer B, parce qu'en général B et A ne s'aiment pas, donc au bout d'un moment ils vont se séparer. C'est ce qu'on fait aussi au lycée, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, quand on met de l'eau et de l'huile, on mélange, il peut y avoir un trouble, et si on laisse faire, ça va faire deux phases, l'huile au-dessus et l'eau en bas. Et ensuite, on va récupérer B, le faire évaporer, et en évaporant B, on va concentrer l'extrait, en fait, comme quand on fait évaporer de l'eau salée, on va obtenir de l'eau de plus en plus salée, vu qu'il y aura de moins en moins une quantité d'eau. Ensuite, il y a une deuxième technique qui repose à peu près sur la même chose, c'est la SPE, c'est-à-dire l'extraction en phase solide, où là, on va faire passer notre liquide dans une petite colonne où il y a une phase solide, du coup, qui est de nature à retenir les molécules qu'on recherche. Et après, on va faire passer un solvant qui est encore plus fort pour déloger nos molécules. Et on va faire pareil, après, on va évaporer et concentrer notre extrait. Donc, j'en ai cité que deux. Il y a beaucoup de méthodes d'extraction, comme il y a beaucoup de matrices ou échantillons. Donc là, par exemple, il y a les cannabinoïdes, ou le cannabis, quoi, et les agents dopants de l'urine, en fait, qui sont extraits en LLE, tel contrôle du dopage, et aussi en SPE, pour des méthodes de confirmation qui sont plus précises, et on peut aussi faire la même chose pour extraire et analyser les agents du viol. Donc après tout ceci, on va injecter notre extrait en chromatographie liquide, et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, il y a bien présence des molécules fatales à la victime dans son sang. Elle avait donc bu le contenu empoisonné des verres. Cela va nous révéler aussi que son corps a eu le temps de les absorber par la digestion, mais qu'il n'a pas eu le temps de les éliminer. Donc cela peut aider à préciser l'heure de la mort. Tout récemment, il y a une nouvelle méthode pour tester l'usage de drogues qui vient d'être développée au Royaume-Uni par l'université de Surrey. Et elle consiste à analyser nos empreintes digitales, qui sont en général nos marqueurs d'identité, à la recherche de certains composés chimiques, qui sont les marqueurs de la prise de cocaïne. Donc une prise d'empreinte pourrait donc indiquer si on a consommé de la cocaïne. L'idée est simple, une fois la cocaïne absorbée par l'organisme, deux composés chimiques sont produits. Bon, là ça va être des gros mots à nouveau, la benzoylecgonine et la méthylecgonine. Et ces molécules elles se retrouvent dans la sueur en fait, qui est déposée au moment de la prise d'empreinte. On va ensuite analyser les empreintes avec un spectromètre de masse, qui du coup, comme je l'ai dit, va analyser selon leur masse moléculaire. Donc d'ordinaire, les tests de drogue se font par analyse des fluides, donc les sangs et les urines. Mais là, du coup, ça permet d'avoir un test aussi efficace que les autres pour la cocaïne. Et donc, du coup, de gagner en rapidité. Et de plus, il éviterait à ces dernières de falsifier le test, puisqu'il permettrait de vérifier directement l'identité aussi des personnes. Donc, on va revenir à notre petite scène de crime. S'il y a eu dispute et lutte, on va souvenez-vous du principe de Locard. Il y a certainement présence des traces de l'agresseur ou des agresseurs. Donc on va retrouver des fragments de peau qui sous-entendent d'avoir des cellules qui sont viables, c'est-à-dire qui sont encore vivantes avec un noyau, des cheveux et des poils, et là aussi il faut que les cheveux et les poils aient un bulbe, parce que le bulbe il contient les cellules. Donc là vous sentez bien venir la chose, je vais parler d'ADN pour identifier un criminel. Donc ce genre d'analyse sert aussi à identifier une victime ou un corps, comme ça a été le cas lors de la catastrophe naturelle pour le tsunami du 24 décembre 2004. Donc la première étape, c'est l'extraction de l'ADN qui consiste en une lisse cellulaire, c'est-à-dire qu'on va casser les cellules qui contiennent l'ADN en leur noyau. Là, dans notre cas, les cellules contenues dans les fragments de peau et les bulbes de cheveux. Donc on peut réaliser ceci sur des billes qui vont fixer en fait l'ADN et le séparer des autres constituants de la cellule, parce que la cellule contient quand même plein de choses, elle contient des selles, d'autres protéines que l'ADN. Donc, dans le cas particulier d'un viol, par exemple, sans préservatif, on peut séparer l'ADN cellulaire et l'ADN des spermatozoïdes, car les spermatozoïdes sont résistants à la lisse cellulaire. Donc, ce qui fait qu'on va analyser que les cellules de son sang ou les cellules qui sont contenues dans le sperme autres que les spermatozoïdes. Donc, la deuxième étape, on va amplifier par PCR. En fait, c'est une réaction en chaîne par polymérase. Encore des gros mots, désolé. Donc, c'est le but, c'est d'augmenter le nombre de copies des fragments recherchés. Bon, les fragments recherchés, c'est des microsatellites qu'on dit en français ou short tandem repeats en anglais. C'est des répétitions en tandem, en fait. Des très courtes répétitions en tandem. Et en général, on connaît leur emplacement dans l'ADN ou l'emplacement, on appelle ça des loci ou un locus. Donc la PCR, elle est constituée de plusieurs cycles de chauffage. Ce chauffage, c'est pour dénaturer l'ADN, c'est-à-dire que pour ouvrir le double brin. Je sais pas si vous voyez l'hélice, c'est le double brin, donc on va séparer les brins. Et ça va laisser la place pour une amorce. Cette amorce, en fait, elle est constituée de plusieurs nucléotides, parce qu'on connaît les séquences. Elles vont venir se fixer pour débuter, en fait, la séquence. Et une enzyme, elle va pouvoir venir copier le brin en le lisant. Cette enzyme, c'est une polymérase, c'est pour ça qu'on appelle ça réaction en chaîne de par polymérase. Donc après un cycle, on a doublé l'ADN, double brin, ou quadruplé le simple brin. Parce qu'en fait, on quadruple parce qu'il y a une amorce dans un sens, une amorce dans l'autre sens. Donc on peut copier les polymérases, en fait, elles vont se croiser à un moment donné sur le chemin. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut pas être, il faut faire attention à ne pas être en quantité limitante de nucléotides, parce que sinon on va arrêter prématurément la réaction, parce que l'enzyme elle a besoin de nucléotides dans le milieu pour enchaîner tout ça, et en fait s'il y en a plus assez, ben elle va s'arrêter et c'est pas ce qu'on veut. Donc à la fin on aura une grosse quantité des fragments recherchés, et en fait par contre l'ADN, ce qu'il cherche souvent, c'est à se replier sur lui-même, et on va laisser en fait l'ADN dans un milieu dénaturant pour éviter ce phénomène. La troisième étape, c'est l'électrophorèse capillaire. Donc là aussi, encore des gros mots. En fait, c'est un autre capillaire qu'on va remplir de gel. C'est le polyacrylamide. En fait, c'est un composé. En fait, ce qu'on peut retenir, c'est un composé qui va se polymériser, qui va s'assembler tout seul, hein, comme la cellulose, c'est un assemblage de glucose. Je sais pas si c'est une bonne image. Donc ce polyacrylamide, lui, va former une grille, un tamis, en fait, qui va permettre de séparer des molécules. Là, en l'occurrence, nos fragments d'ADN, selon leur taille. Là, ça rejoint ce que je voulais vous dire, en fait, c'est la taille. Comme on veut la séparer selon la taille, selon la longueur, c'est pour ça qu'on veut pas que l'ADN se replie. Donc, pour les séparer, on va faire passer un courant électrique. Donc, à ce moment, les molécules, elles vont se déplacer selon leur charge électrique et avoir plus ou moins de difficultés à se déplacer, d'où la séparation. Et bien sûr, on s'arrange pour mettre le détecteur du bon côté. Dans le cas de l'ADN, vu que l'ADN est chargé négativement, il ira vers le pôle positif, donc il n'y aura qu'un seul sens de déplacement. Et là, on aura placé un détecteur qui est en général à fluorescence ou à colorimétrie, car les amorces, on les a déjà marquées, en fait, avant, on a fixé sur l'amorce une molécule qui fluoresce ou même une molécule radioactive pour certains détecteurs. Donc, vous allez me demander comment on sait la taille des fragments. Ben, en fait, à côté, on va faire migrer une gamme de tailles de séquences qu'on connaît pour voir où se situent les tâches. Donc, pour les microsatellites, par exemple, donc, ce sont des séquences répétées chez tout le monde, dans l'ADN non codant, le fameux ADN poubelle que l'on peut plus appeler comme ça. Mais elles ne sont pas répétées à un même nombre chez tout le monde. Donc, on va les compter. On va compter le nombre de fois où elles se répètent aux endroits précis de l'ADN. Et on va obtenir une cartographie de ces répétitions qui est donc particulière à un individu. Donc dans notre affaire, on va comparer cette cartographie obtenue avec des cartographies d'individus connus de la base de données ou fichier national génétique. Et si on a de la chance, on va trouver notre agresseur et meurtrier. Et avec moins de chance, on aura un nouvel individu inconnu. Et là, le travail d'enquête va devoir être plus profond et plus compliqué pour recouper d'autres informations. Donc, dans notre cas, les meurtriers sont des malfrats violents bien connus des services de police pour trafic de produits de luxe. Du coup, toutes les informations se recoupent dans le meilleur des mondes. J'ai mis des images encore aussi là pour illustrer ce qu'est une électrophorèse de base, en fait. Là, c'est juste une plaque de gel qu'on peut voir avec juste un truc qui produit de l'électricité. Et j'ai mis une autre photo où là, on peut voir une belle plaque que l'on révèle avec une lumière noire, justement la lumière violette. Donc c'est comme ça qu'apparaissent en général les molécules qui fluorescent aux UV. Mais là, par contre, c'était aussi un exemple pour illustrer des erreurs qu'ils font dans les séries. Parce que ce genre de révélation, en fait, aux UV, ça va détruire l'ADN et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est une fausse utilisation, en fait, pour raccourcir l'épisode. Et là, récemment, en fait, un cas concret, entre fin 2012 et janvier 2014, l'ADN a aussi été utilisé dans une affaire de violeur en série à Lyon, qui avait violé 5 étudiantes. On n'a pas retrouvé quelqu'un qui était dans le fichier national génétique, qui correspondait à l'ADN laissé par le violeur, Mais là, la justice, elle a autorisé à ce que son ADN soit utilisé pour obtenir son portrait robot par extraction des gènes, de la morphologie et des caractères physiques. Donc c'est tout nouveau et une grande première, et la technique est encore à améliorer et à définir, mais cela pourrait déboucher sur une police scientifique encore plus efficace. Le portrait robot n'a jamais vraiment été utilisé au tribunal. Là, je vais vous parler des autres traces en fait que l'on peut analyser avec la microscopie classique. Donc en plus des résidus de tir qu'on a déjà vus, on peut analyser les fibres et les terres ou les pollens. Il y a d'autres tests instantanés qu'on peut faire, c'est les tests de drogue. En fait, pour ceux qui ont déjà vu, ce sont les petites plaques blanches dans lesquelles ils vont mettre notre salive pour voir si on a pris du cannabis, de l'urine ou de la cocaïne. Après, ce qu'on voit souvent dans les séries, c'est on les voit poser un liquide sur un coton-tige qui a traîné sur une surface et d'un seul coup, ça devient tout rose. Et là, en fait, c'est de la phénolphtaline qui est utilisée pour révéler le sang. Donc ça, c'est vrai. C'est vraiment comme ça qu'on peut voir s'il y a eu du sang sur une surface. Il y a bien aussi les tampons de résidus de tir qui virent au bleu en général quand il y a des composés azotés qui sont en général des résidus de tir. Et pour ceux qui prennent souvent l'avion, vous avez peut-être vous êtes déjà passé avec un bout de tissu. En fait, on vous a déjà frotté avec un bout de tissu, on vous l'a passé dans un sac, dans votre sac, sur les plis des vêtements, puis on l'a mis dans une boîte. Cette boîte, en fait, c'est un nifleur qui est capable de détecter les composés azotés. Et là, c'est plus poussé côté explosif. Et il existe aussi des nifleurs portatifs avec d'autres détections. Il y a d'autres techniques pour analyser la composition des terres et des poussières. Et ça, c'est surtout pour analyser au niveau de leur composition en inorganique, c'est-à-dire les sels minéraux et tout ce qui n'est pas carbone, azote et atomes du vivant, on va dire. Donc pour finir, je tiens quand même à insister sur l'importance des bases de données mises à jour. Donc les traces, les empreintes de pneus, les traces de chaussures, la composition des peintures, etc. Parce que si on n'a pas ces bases de données, on ne peut pas avoir des éléments de comparaison fiables et incontestables. Donc pour conclure, comme vous avez pu le voir, le boulot des gens du labo et des enquêteurs est bien plus compliqué qu'on peut le voir dans une série télé. Il y a le travail scientifique, le travail d'interprétation et de croisement des faits et des faisceaux de preuves. Donc la police scientifique, elle résout pas une ou deux analyses toute une enquête. Il faut recroiser les preuves scientifiques avec des faits qui ressortent de l'enquête de terrain. Donc et là, juste pour vous faire un peu sourire, c'est... Je tiens aussi juste à remercier mon professeur général de criminalistique, qui est, c'est pas une blague, il s'appelait Monsieur Poirot, donc c'est son vrai nom, et pour nous faire rire, il entretenait aussi une petite moustache à l'Hercule Poirot. Ah, j'allais demander justement la petite moustache, les cheveux gominés et tout. Ouais, c'est ça. Excellent. C'est pousser la conscience professionnelle un peu loin quand même. Ouais, mais il était drôle, il était vraiment doué. Et donc là, t'as fini, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Voilà, on a tous vite renclenché nos micros. Bon, bah c'est super. Merci beaucoup. On a appris plein de trucs. Il y avait quelques questions dans la chatroom. Des questions complètement what the fuck d'un certain Nico Tube. Non, elles sont pas toutes what the fuck. La première, elle est un peu, mais elle est un peu hors de propos parce que c'était au début où tu disais que les premières traces c'était les hommes préhistoriques. Donc je me demandais juste s'ils étaient coupables ou pas. Non, c'était juste les peintures. Et sinon, dans les autres questions, c'était plus dans les experts, un truc qui revient assez régulièrement, c'est l'analyse des insectes sur les cadavres pour avoir plus de détails sur l'heure de la mort, éventuellement sur quelques idées de circonstances, etc. C'est utilisé beaucoup aussi en police scientifique, autant que dans la série, ça marche bien ou Ouais, c'est les entomologues qui se chargent de ça et ça marche même vraiment très bien pour dater une heure de la mort. Et après, je vais peut-être vous dégoûter, mais en fait, les fermes à cadavres, ça existe vraiment. D'accord. Donc, les gens qui prêtent leur corps à la science, le corps finit souvent dans une ferme à cadavres, en fait. Ou après, il y a des gens qui vont relever les insectes pour voir, quoi. Voilà, c'est ça. Sympathique. Et ils les abandonnent dans des endroits divers et variés, quoi, dans des décharges, dans des forêts. À Lyon, en fait, du côté de Lyon, il y a une ferme à cadavres. Je sais plus trop, et d'ailleurs, je crois que j'ai pas le droit de le dire. Mais oui, ils mettent les corps, on les met dans une voiture fermée, pas fermée. ils créent une fausse mare, ils mettent le corps dedans, ils voient comment il pourrit, désolé du mot. Ah, c'est un sacré métier, quoi. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Je m'occupe d'une ferme à cadavres. C'est assez sympa, ça se développe et tout. Ouais. Finalement, ce que fait Topo est pas si dégueulasse, en fait. Ok, et sinon, on avait une dernière question d'Hélène R, mais je sais pas à quoi ça faisait allusion. Elle disait, c'est quoi une douille? Ouais, t'as parlé de douille à un moment. Ah, c'est une douille, c'est pour les balles. Vous savez, quand on a une balle, quand elle est pas tirée, en fait, il y a la balle qui est fixée dans une douille qui contient la poudre. Du coup, une fois qu'elle est tirée, la balle part, mais la douille, elle reste, elle est éjectée par le fusil ou le revolver. Je sais pas si vous avez déjà tiré des balles ou avec un fusil. Si, si, moi ça m'est déjà arrivé, ouais, en effet, il y a des petites douilles. Ben, ça, c'est un peu ce qu'on voit dans toutes les séries, de toute façon, aussi, c'est pour les trucs qu'ils analysent. Et ce dont tu parlais, j'imagine, c'est les histoires que c'est quasiment une empreinte unique du pistolet, quoi. Si c'est comme dans la série. Sur la balle, oui. Ouais, sur la balle. Et là, par contre, les séries ne mentent pas, il y a aussi le percuteur qui laisse une trace sur le cul de la douille. D'accord. Ok, ok. Oh, finalement, il y a des éléments où il manque pas. Et peut-être pour te poser une dernière question, comme on a encore un peu de temps. Tu as beaucoup parlé de la France, parce que c'est ce que tu connais, j'imagine. Ouais, tu es capable de nous dire deux mots un peu sur les différences, en particulier peut-être avec les États-Unis, parce que j'imagine qu'il y a déjà une différence de moyens qui peut être assez impressionnante, mais ça ne veut pas dire qu'ils fassent beaucoup plus de choses en plus. Enfin, j'en sais rien. Niveau organisation, c'est la même chose. D'accord. Donc, ils ont vraiment des agents de terrain, des techniciens, des ingénieurs. Après, oui, c'est sûr, ils ont quand même beaucoup plus de moyens que la France. Mais au niveau des techniques, en fait, comme elles sont harmonisées internationalement pour certaines choses, on est quand même à égalité avec eux. Quoi. Ça, c'est... Le seul truc, c'est comme ils ont plus de moyens, ils peuvent traiter plus d'affaires en même temps. D'accord. Et que nous, ça bouchonne sérieusement en France au niveau de... Ouais, bah parce que ce que tu racontais au début, c'est qu'il y a très très peu de monde qui vend ça en fait en France. Ouais, voilà. Et ça représente quelle part dans les enquêtes en fait? C'est prépondérant les résultats des études forensiques ou c'est plutôt l'enquête elle-même, l'environnement, tout ça, qui est important? Ça constitue normalement des preuves irréfutables. Mm-hmm. Enfin, on essaie d'avoir des preuves irréfutables. Mais comme je l'ai dit dans la conclusion, en fait, faut quand même que ça recoupe les éléments de l'enquête en fait de terrain. Sinon, ça je sais pas si on va m'expliquer. C'est irréfutable, mais il faut que ça recoupe les enquêtes, l'enquête de même. D'accord. Et par rapport à l'organisation, justement, bah mine de rien, dans ce que tu présentes par rapport à la série, en tout cas CSI, la grosse différence, c'est au niveau organisation, que tu le disais au tout début, les personnes dans la série font deux rôles qui dans les cas, a priori en France et aux États-Unis, sont séparés. Le rôle d'aller chercher les choses et les analyser. Ouais, c'est ça. C'est celui-là qui relève, c'est pas le même. C'est ça. Et dans la série, on a l'impression que parfois, ça permet d'aller plus vite, ça permet de confronter, d'interagir en fait directement avec le terrain, d'avoir des nouvelles idées, d'aller faire de nouveaux prélèvements et compagnie. Ça paraît avoir un atout. Ça n'a jamais été fouillé, ce genre d'approche, pour dans la réalité? De dire qu'on a quelqu'un qui est capable de faire les deux, qui fait du prélèvement, qui après lui fait ses propres analyses et qui éventuellement peut revenir sur le terrain? Honnêtement, ça, j'en sais rien. Donc, je vais pas trop m'avancer. Je sais que les agents de terrain, en fait, sont souvent promus après comme techniciens ou ingénieurs, selon leur ancienneté, mais après, le retour, je sais pas s'il se fait. Ok. Super. Bon, j'ai pas d'autres questions, si vous en avez d'autres, les autres, sinon on passe à la suite. Hein. Non, pas d'autres questions non plus. Bah, du coup, on va enchaîner avec le pitch de la semaine prochaine. Julie ? Ouais. Alors, la semaine prochaine, Pierre et Irène vont nous parler des virus. Alors, franchement, on pourrait en parler pendant des heures. On a rarement fait plus simple et plus performant comme machinerie et surtout plus rusé que les virus. En plus, ils sont beaux et ils ont des noms charmants. Donc, Pierre vous parlera de l'origine, de leur origine, leur évolution, la question qu'ils posent en termes de notion de vivant, la notion de quatrième groupe du vivant, de leur impact sur l'évolution d'autres espèces, les transposons, les virus aidant la formation de la barrière placentaire, les virus permettant le parasitisme de certaines guêpes. Ça, c'est sûr, ça, c'est bien du Pierre. Les cas particuliers, virus de virus, pandoravirus. Et Irène vous parlera de son côté de quelques virus bien connus, tels que la grippe, le sida. On évoquera les pathologies, mais aussi leur utilisation en biologie. Voilà, un gros programme. Ouais. Ça, c'est génial. Ça s'annonce bien cool. Yay. On passe à la côte. Est-ce que notre invité a fait son boulot? Est-ce que tu as ramené une citation? Ouais, j'ai ramené une citation par Hercule Poirot, donc d'Agatha Christie, parce que je trouvais qu'elle démontrait assez drôlement l'importance de l'indice, en fait, que laisse son coupable. Donc je vais la faire en anglais aussi, hein. Ou Alan veut la faire, peut-être. Non, vas-y. Je ne l'ai pas sous les yeux. Ah. Donc en anglais, ça donne « I did not deceive you, mon ami. At most, I permitted you to deceive yourself. » Donc, en gros, c'est Hercule Poirot qui dit au coupable « Je ne vous ai pas dupé, mon ami. Au plus, je vous ai permis de vous duper vous-même. » Pas mal. C'est pas mal, ouais. Ça me permet d'éviter de sortir la côte de secours, hein, tout va bien. Ah, mais tu peux la sortir. Non, non, ça va. Je pense, franchement. Je te laisse faire, Julie, si t'as envie. Qui a mis dans le conducteur? Je sais pas du tout, ce doit être Alan. Bref, c'était une côte de Colombo qui dit « Ma femme le dit tout le temps. » Voilà, voilà. Très bien. On passe au plug? Oui. Yay, passons joyeusement au plug. Un petit plug pour le professeur Mu, alias Raphaël Koschig. Enfin, je prononce ça à la Suisse, j'imagine qu'en alsacien c'est la même chose. On dit Koschig, peut-être en France? Non, le haut tréma. Non, on dit co-tréma chig, parce qu'on est chiant dans les prononciations, tu sais. Ouais, vous êtes infernaux, vous savez pas prononcer. En fait. Et il peut pas venir nous faire son plug, il est pas dans le coin du coup? Je crois qu'il est dans la pièce à côté avec les enfants. Il est dans une autre pièce avec ça. Donc, un petit plug pour lui, puis surtout pour son excellente chaîne YouTube qui s'appelle Code Mu, où il partage régulièrement avec nous les joies et les subtilités de la langue française dans un style qui est absolument brillant. C'est un régal à regarder. Il faut le soutenir sur Tipeee. Raphaël, justement, a hébergé Mika ce soir. Donc, encore un immense merci. Ce garçon est la classe incarnée. Vous pouvez le soutenir sur Tipeee, c'est tipeee.com. C'est un service français, donc forcément, il y a une espèce de jeu de mots bizarre dans l'URL. tipeee.com/codemu, C-O-D-E-M-U. Et puis, sa chaîne YouTube, c'est Codemu TV. Il fait partie de ces stars, des jeunes talents youtubeurs français. Je crois que c'est un des fondateurs de la bibliothèque d'Alexandrie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, avec Nota Bene, qu'on avait reçu pour l'histoire de la médecine. Pas de bêtises non plus, mais il me semble bien que Nota Bene en avait parlé. Ouais, je crois que c'est là que je l'ai entendu, en fait. Et sa chaîne est assez étonnante, parce qu'on en parle là, mais finalement, c'est une des moins scientifiques de ces chaînes un peu sérieuses qui sont en train de se développer, parce qu'elle parle de la langue française, mais c'est hyper intéressant, quoi. Et au passage, on peut peut-être parler, parce que dans sa dernière vidéo, c'est aussi le cas, qu'il y a un mème qui est en train de se développer sur le YouTube français, entre guillemets, éducatif, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De plus en plus de YouTubeurs français portent des t-shirts podcast science. C'est la classe. On pourrait peut-être lancer un concours. Il faut qu'on glisse l'idée à Samuel. Organiser un truc sur tous ceux qui arrivent à retrouver les t-shirts podcast science dans la biosphère. Est-ce qu'on va être sûr de savoir si on les connaît tous ou qu'on les liste? On devrait encore être capable de les lister. Mais... je pense. Ouais, surtout au prix que, que nous ou me coûtent les t-shirts, on s'en souvient. Et ce qui serait super drôle, en revanche, ce serait que le même prenne tout seul. Ah ouais, ouais. N'hésitez pas à le diffuser. Hein. Même contactez-nous si vous avez un événement où vous voulez qu'on envoie un t-shirt, on peut s'arranger. Ou une manière de nous soutenir et d'en acheter un et de le filer à quelqu'un et puis de nous envoyer la photo ou la vidéo ou le lien YouTube, ça peut être très très drôle. Ouais, non, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on les retrouve chez les youtubeurs sans qu'on les ait envoyés. Alors ça, ce serait vraiment la classe. Donc, youtubeurs qui nous écoutaient, si jamais notre boutique se trouve, je ne sais même plus où elle est, c'est Spreadshirt, non, c'est Podcast Science. Spreadshirt/podcast science, enfin, il doit y avoir des trucs entre, mais ce n'est pas très loin. Et sinon, il y a le bouton boutique sur notre site web. Exactement. Et je devrais modifier le t-shirt sous peu pour régler une faute d'orthographe, même s'il est esthétiquement plus beau en ce moment, mais on va le garder esthétiquement aussi beau, mais sans faute d'orthographe. Ah, ça, tu me fais plaisir. Mais je ne savais pas que c'était une faute, en fait. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait cette habitude de majuscule. Je ne savais pas que c'était à ce point-là une faute. Codemus devrait en faire un épisode, mais comme il parle surtout de la langue française, il ne pourra pas. Mais il doit y avoir un historique sur pourquoi c'est une majuscule. C'est quand même complètement fou. Je ne sais pas. Ça a peut-être un rapport avec la monarchie. Tiens, je vais me renseigner là-dessus, ça m'intéresse. Ce n'est pas une question con, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu te poses la question, on ne prend pas l'initiative de changer toi-même des conventions millénaires. Non, mais c'est en fait, c'est surtout que je trouvais, donc pour ceux qui ne suivent pas, c'est que j'ai mis un i en minuscule sur le t-shirt. C'est parce qu'en fait, j'ai vu le t-shirt version précédente en vrai, et le I love était énormissime à tel point que sur certains, ça faisait vraiment trop large, quoi. Et du coup, j'ai voulu le réduire, et quand je l'ai réduit, je me suis rendu compte que ce i, on ne voyait pas que c'était un i. Alors je me suis dit, ben, je vais faire bien que c'est un i en mettant un point sur le i. Et là, je me suis fait insulter par Alan, quoi. Je t'ai pas insulté, j'insulte jamais personne. J'ai juste dit que j'étais triste. Ouais, mais je me rendais pas compte. Donc ça partait d'une bonne intention. C'est mignon. Bon. Ben, si plus personne n'a plus rien à dire, je vous propose de conclure joyeusement. Si vous avez identifié l'auteur du crime, ne spoilez pas. Si, comme moi, vous avez noté que Nicotube a déjà manié un fusil, oubliez tout de suite ce que vous avez entendu. En revanche, si vous avez aimé le podcast, si vous avez aimé la prestation de Mika, le dessin de Samuel, les dessins de Samuel, eh bien, répandez vos empreintes digitales sur vos claviers et smartphones pour liker, diffuser, partager partout sur l'Internet mondial. Et si vous aussi, vous avez envie de présenter un dossier, envoyez-nous un draft pour dimanche 16h. On fera quelques allers-retours et dès que le dossier tient la route, on fixera une date et hop, vous chipperez la vedette au matheux et vous ferez des heureux. Donc, on se retrouve. Je rappelle, non anglophone, que draft signifie brouillon. Ouais, c'est ça. Ça signifie pression aussi pour la bière. T'as le temps de participer ? T'es pas en train d'écrire ton dossier, Romain ? Enfin, tes dossiers que t'es en retard ? On n'entend plus, là. Finissez l'émission, s'il vous plaît. Sacré Robin. Bah, un immense merci à Mika. C'est pas évident de se lancer comme ça. C'est beaucoup plus facile de râler et de dire qu'il manquait des trucs ou qu'il y a des sujets qu'on n'a pas couverts. Mais de là à pondre un dossier, jouer le jeu, faire tous les allers-retours. Là, je crois que tu les as fait avec Julie, c'est ça, les allers-retours ? C'est ça, ouais. Mm-hmm. Moi, je vous remercie à vous, surtout. Je vous écoute tout le temps. Ouais. C'est juste trop bien. Bah, ça fait très plaisir. Tu reviens quand tu veux. Oui. En fait, avant que tu conclues, on a oublié deux plugs en fait, qui sont très liés. Un plug pour une émission en direct dans un mois et pour le merchandising associé. Je te laisse faire. Bon, alors allons-y. Donc, dans un mois, le 27 juin pour être précis, il y a la Marche des Fiertés à Paris. Et nous, on va apporter notre petite touche de science à l'événement avec une soirée radio-dessinée, un live public dont on sait maintenant qu'il aura lieu à la Paillasse, dans le 2e arrondissement à Paris. Ça, on sait que ça va commencer à 17h30. Honnêtement, je suis en train d'essayer de squeezer le programme au maximum, mais je ne sais pas trop à quelle heure ça va finir. Mais ce n'est pas grave, on ira bouffer ensemble après dans la bonne humeur, si ça vous dit. Donc, on va parler du thème de la marche des fiertés, c'est-à-dire de l'homosexualité, d'un point de vue scientifique, on va dire tout ce qu'il y a, ou presque ce qu'il y a à en dire du point de vue de la science, avec plusieurs focales. Il y aura bien sûr les neurosciences. On aura le plaisir de recevoir une nouvelle fois Franck Ramu, qui nous avait déjà parlé du sexe, du cerveau des hommes et des femmes. Ben là, il nous parlera du cerveau des homos et des hétéros. Merci à Clara, d'ailleurs, qui a réussi à le faire venir. Clara Moreau, qu'on a pu entendre de temps en temps dans le podcast. Merci à Clara aussi, d'ailleurs, qui a pu nous obtenir la paillasse. C'était un peu galère. On a plein de monde qui s'est mis à essayer de nous trouver une salle, dont Guillaume Gleb, qui est dans la chatroom. Un grand merci à lui aussi. Quoi d'autre ? On va parler d'éthologie et de biologie avec Billy, aidé de Pierre dans les coulisses, qui tenteront de répondre à la question est-ce que l'homosexualité c'est contre nature ou pas. Petit teasing comme ça, petit hint, comment on dit, petit indice, je ne crois pas qu'on ait réussi à observer d'espèces homophobes dans la nature à part chez nous autres. Voilà, enfin je ne vais pas en dire trop non plus. On aura une perspective sociologique, on étudiera l'évolution des représentations LGBT. Robin, tu sais ce que ça veut dire, LGBT ? En attendant que tu allumes ton micro, donc les représentations LGBT. Ouais, dans le cinéma. Je sais, je connais. Vas-y, on t'écoute. Attends, pouf, dans l'ordre, je vais avoir du mal. Lesbienne, gay, bi, Trans. Ouais, bien, bien, bien. Et sans réviser, comme ça au débeauté, paf, quoi. C'est la ça classe. Ça veut dire le beg. C'est ça. bon, et puis il y aura encore des tas d'interventions. On a encore l'occasion de faire quelques plugs d'ici là. Du coup, je veux pas tout dérouler ici. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous inscrire. On a un événement Facebook. Donc, il faut absolument nous indiquer. Il faut qu'on ait une idée à peu près de combien de monde il y aura. Parce que derrière, on va commencer à organiser plein de trucs, genre le resto et ce genre de choses. Donc, manifestez-vous. Puis, si vous n'êtes pas sûr, mettez que vous n'êtes pas sûr. Mais enfin, juste qu'on ait une idée, en gros, de s'il y a 10, 50, 100 ou 2000 personnes. Et puis, on espère vous retrouver nombreux. Et puis, alors, donc, je devais faire un deuxième plug. C'était le plug pour le T-shirt qui a été dessiné par Pouillot, qui est juste magnifique. Ah, qui est, l'affiche et le T-shirt sont magnifiques. Je crois que c'est la plus belle chose que nous ait fait, enfin, à mon goût, que nous ait fait Pouillon pour Podcast Science, quoi. Ouais. Non, juste sublime. Donc, là aussi, que vous veniez ou pas le 27, répandez le même, achetez le T-shirt, il est beau, quoi. Vous le trouvez aussi sur la boutique, donc on a dit podcastscience.spreadshirt.net ou alors vous allez sur le site podcastscience.fm et vous avez, s'il fonctionne, un lien boutique tout en haut dans la navigation principale. Et puis, ouais, ça c'est un mème qu'on a envie de voir répondu. Celui-là, alors, le t-shirt, si je le trouve sur YouTube, je sais pas, c'est la fête, quoi. On veut offrir des bières ou du champagne ou quelque chose. Puis, hey, le body bébé, il est juste top. Mais il n'y a pas encore de body bébé aux couleurs de la Gay Pride avec l'arc-en-ciel et tout ça. Et au passage, il y a aussi dans notre classique I Love Podcast Science, c'est sorti la version femme sur une demande insistante de Stéphanie. Donc c'est la nouveauté dans la boutique, il faut y aller là. Ah ouais, ouais. Et demain, il y aura aussi le podcast Science sort du placard pour les femmes. Ah, parce que c'est les hommes en premier, quoi. Bah oui, apparemment, c'est unisexe. C'est unisexe et unisexualité, si c'est pas beau. Ouais. On fait des heureux. Bon, bref, donc tout ça est magnifique. Merci à Pouillot, merci à tout le monde. Et puis là, je peux conclure pour de vrai ? Ouais, tu peux y aller, je te couperai pas, promis. T'as 5 secondes. Bon, merci à tout le monde dans la chatroom, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Encore merci à Mika, c'était vraiment super cool. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, enfin vous retrouvez la semaine prochaine, moi je serai pas là, pour parler virus et parasites avec nos biologistes de service. D'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous, et que servir la science soit votre joie. Servir la science de notre joie. Jacques, j'ai oublié de dire merci à Samuel, c'est lui qui a fait les t-shirts version femme. Mais en fait, c'est compliqué de faire une version femme à partir du 21. Bon. Mais après, en fait, t-shirt homme ou femme, franchement, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est juste qu'ils sont cintrés à mort sur le ventre. Ouais, et puis il y a une histoire de poitrine, je crois, aussi, un peu. Ouais. Tu crois ? Enfin, au niveau coupe, où ça change de truc. Ça se voit, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu vois de quoi on parle, un peu. Je ne fais pas attention à ce genre de choses. Bon, d'accord, ok. On est des versions hommes et femmes, c'est merveilleux. Ouais, bon, et la version baby, tu vois aussi un peu la nuance ou pas? C'est clair. Ouais, non, là, c'est clair. Là, je vois la différence.